on avait déjà parlé de ça dans le passé, c'est que il y en a qui pensent maintenant que dans l'islam il y a juste deux sectes, les sunnites et les chiites. Et donc pour beaucoup de gens, si t'es pas aussitôt que t'es pas chiite, donc t'es sunnite. C'est pas vrai. Parce que t'es pas sunnite, ça se trouve que t'es pas chiite et que t'es pas sunnite non plus. Tu comprends? Il y en a un nombre indéfini. Ouais, de sexe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 73. D'accord? Mais parfois, on sait que des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. Des fois, tu comprends? C'est parce qu'en réalité, quand tu regardes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, c'est clair que tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que qu'est-ce que ce sahaba suivait pour être dans le droit chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup d'autres groupes qui sont pas chiites, mais qui sont en dehors de la sunna. Par exemple, Al-Asha'ira, c'est un des groupes qui sont en accord avec les sunnites au sujet des sahaba. Tu vois, la différence entre les sunnites et les chiites, à la base, ça revient à la position vis-à-vis des sahaba. Comment tu places vis-à-vis des sahaba? Par exemple, les sunnites, nous, on aime tous les sahaba, on les accepte tous. La famille du prophète Rasulallah et les autres sahaba aussi, son mouvement, on les aime, on les supporte et on les défend. Mais les chiites, eux, les chiites, ils aiment uniquement la maison du prophète Rasulallah. Les gens de la maison, c'est-à-dire les proches de la famille du prophète Rasulallah, comme Ali et le Nabi Talib. Ils le placent, Ali, devant tous les autres. D'accord? Et aussi Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était aussi l'épouse d'Ali. Okay? Et Ali qui était le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ses deux petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Et après d'autres, quelques-uns parmi les sahaba, comme Salman al-Farisi, et quelques autres aussi. Il y en a peut-être 3 ou 5, en tout cas, j'ai oublié le nombre exact. Mais tous les autres sahaba, ils disent qu'ils sont tous en dehors de l'islam, les chiites. Ils disent ça. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont inventé une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait témoigner tous les sahaba en allant vers la Mecque ou en revenant de la Mecque. Il les a tous fait témoigner que Ali devait être son successeur après sa mort. Et, supposément, qu'ils avaient tous témoigné et tous accepté. Donc, eux, ils ont dit, étant donné qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris Abu Bakr, radiallahu anhu, comme khalifa au lieu d'Ali, donc, selon eux, étant donné qu'ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croient qu'ils sont tous devenus des apostats, c'est-à-dire des gens qui ont quitté l'islam. Et ils déclarent qu'ils sont tous devenus musulmans, tous devenus mécréants. Hein? Donc pour eux, Abu Bakr, Omar, Osman, hein, sont yani, en dehors de l'islam, et tous les gens qui les ont acceptés, qui ont dit que c'était eux qui devaient être les khulafas, tous ceux qui les placent devant Ali sont des mécréants selon les chiites. Okay? Et puis, à cause de ça, ils ont inventé toutes sortes d'histoires, toutes sortes de mensonges pour supporter et pour rajouter des points à leurs croyances. Mais bien entendu, Ali, radiallahu anhu, il a donné la licence à Abu Bakr et à Omar et à Osman. Et Ali même, radiallahu anhu, non seulement il leur a donné la licence, il a aussi donné sa propre fille en mariage à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, si il était en colère contre Ali, et s'il croyait que Ali, s'il était en colère contre Omar et Abu Bakr, et s'il croyait au fond de lui, parce que eux ils disent que Ali, radiallahu anhu, il savait que Abu Bakr et Omar étaient des mécréants, sauf qu'il le cachait, il faisait semblant. Donc s'il faisait semblant, comment ça se fait qu'il a donné le bayat? Et comment ça se fait? Pas seulement qu'il a donné le bayat, il a même donné sa propre fille en mariage à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, Kulthoum. Il a donné sa propre fille, la fille qu'il a eue avec Fatima, radiallahu anha. il a donné sa possible à Omar ibn al-Khattab, comme que le son. Si il le détestait, et s'il croyait qu'il était mécréant, comment il a pu lui donner sa fille en mariage? Hein? Quand un homme n'est pas musulman, il n'a pas le droit d'épouser une femme musulmane. Et si Ali savait qu'il n'était pas musulman, comment ça se fait qu'il lui donne sa fille en mariage? C'est pas logique. Il y en a qui disent que c'était pas sa fille, c'était un djinn. Astaghfirullah. Ils ont dit qu'il a donné une fille qui ressemblait à sa fille, mais c'était un djinn. Ali raconte plein d'histoires stupides. Allah Mista'an, mec, des gens qui mentent. Mais ça, c'est juste le début de la différence entre les sunnites et les chiites. Après ça, il sera juste plein d'autres superstitions, toutes sortes de mensonges et de choses complètement en dehors de l'islam. Comme la croyance en l'infaillibilité des descendants d'Ali. Les 12 imams, les 12 descendants d'Ali, ils croient qu'eux, ils ont du pouvoir d'infaillibilité. Ouais. Et ils croient que ces 12 imams-là, les 12 descendants d'Ali, et c'est pas n'importe quel descendant, c'est certains descendants spécifiques qu'ils ont choisis, parce que certains d'entre eux, ils les ont pas acceptés comme étant des imams, et d'autres ils les ont acceptés. Et justement, à cause de ce point-là, la question des imams, du choix des imams, les chiites se sont divisés entre eux au sujet du choix des imams. Certaines sectes chiites ont accepté, par exemple, un tel fils des descendants d'Ali, comme étant l'imam, et d'autres ont dit non, c'était pas ce fils-là qui devait être l'imam, c'était l'autre fils. Donc, ceux qui ont suivi ce fils-là, ils ont fait une nouvelle secte, et ceux qui ont suivi l'autre fils, ils ont fait une autre secte. Donc, à cause de ça, ils se sont divisés. À chaque génération des 12 imams, il y avait toujours des nouvelles sectes qui se créaient parce que ils n'étaient jamais d'accord sur qui est-ce qui devait être l'imam. D'accord? Par exemple, la secte des Ismaélites, c'est une des sectes qui s'est séparée des autres sectes parce qu'elle a accepté Ismaël comme étant un des descendants de Ali, que c'était lui qui devait être imam, tandis que les autres qui ont suivi, ils ont dit non, c'est l'autre. C'est, j'ai oublié son nom. Et Ali, c'est les descendants, ils croient que c'est une longue histoire, peut-être on va y revenir. Oui, ils croient qu'ils sont infaillibles, qu'ils savent tout. Hassan, Aïssa, Sulaiman, Hamza, Kefarhal, Kouhair, Sulaiman, Masha'Allah, Alhamdulillah. C'était quoi le film? Le message pour parler de. Ah, la vie du prophète. Ah, oui. C'est un film célèbre. Parmi les musulmans, oui. Alhamdulillah. Et puis, il y avait beaucoup de monde. Oui, Inch'Allah. Pas de problème, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah. Mais le livre dont je vous parlais, là, c'est le livre qui s'appelle As-Sunnah. Et c'est un livre qui est écrit par nous autres que le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, imam ou al-Sunnah. Hein. L'imam Ahmad ibn Hanbal est mort en l'an 190 Hijri, c'est-à-dire 190 ans après l'Hijra, après le Hijra de Makkah al-Madina, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un livre écrit par son fils. L'imam Ahmad a un livre qui s'appelle al-Sunnah, et son fils aussi en a écrit un, et son élève aussi Al-Khalal, il en a écrit un. Et la plupart des grands imams de cette époque, ils ont tous écrit un livre dans lequel ils ont déterminé et établi et clarifié leur position face à la croyance de l'islam, et dans lequel ils ont ramené les citations des salafs et les preuves du Coran et de la Sunna et les réfutations des gens des sectes de cette époque, de toutes les sectes. Ils commencent en parlant des Mu'tazila et des Jahmiya, il parle aussi des Khawarij, il parle aussi même des Shia, de toutes les sectes. Et. Ah ouais, c'est longtemps. Les Ikhwan Muslimin, ils suivent pas seulement les Khawarij, ils suivent toutes les sectes. Parce que dans leur groupe, il y a toutes les tendances. Et toutes les tendances sont bienvenues et acceptées. Il y a parmi eux des gens qui ont des tendances de Khawarij, d'autres qui ont des tendances soufis, Soufia, d'autres ils ont même. Parmi les. C'est pas à marcher ici. Faut pas parler fort comme ça, faut pas crier dans les balcons. Si vous allez chez les koufars, ils ne crient pas dans leurs églises. Vous venez dans les mosquées, vous criez comme des sauvages. Allah nous fait. Bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, le Khawarij. Oui. Parmi eux, il y en a qui ont des tendances de Khawarij. Et d'autres qui sont avec, qui ont des tendances chiites. Et, juste pour vous montrer, c'est que, par exemple, le fondateur même du groupe des Ikhwan al-Muslimin, qui est Hassan al-Banna, il a fait construire ou établir en Égypte un centre pour le rapprochement entre les sunnites et les chiites. D'accord? Et c'était lui qui l'a fondé et qui a invité même des savants chiites de l'Iran pour venir, je pense même enseigner leur madhhab à l'université d'Al-Azhar. Et plein de choses comme ça, vraiment, c'est grave. D'accord? Oui, le grand-père de Tariq Ramadan. Et jusqu'à aujourd'hui, leur position vis-à-vis des chiites est la même. C'est-à-dire, ils essaient toujours de montrer que les chiites, comme par exemple Al-Ithna Ashriya, Al-Jafariya, ils essaient toujours de montrer que eux, ce ne sont pas des chiites extrémistes. Et que les chiites extrémistes, vraiment là, c'est d'autres groupes qui sont en dehors de l'islam. Mais eux, Al-Ithna Ashriya, Al-Jafariya, eux sont supposément, selon eux, pas des extrémistes et ils insultent pas les Sahaba et tout, alors que c'est prouvé même dans leurs propres livres et dans leurs enseignements qu'ils insultent les Sahaba et ils aussi croient à une croyance de l'infaillibilité des A'imma et ils font le tawaf autour des tombes en Iran et en Irak et partout dans les pays chiites comme ça. Et ils vénèrent les morts, ils les invoquent en dehors d'Allah. Et le mariage mut'a, c'est-à-dire de faire un mariage de jouissance temporaire. C'est-à-dire, tu vois une fille, et puis tu lui dis, est-ce que tu veux qu'on se marie pour une heure ou deux? Je te donne 200 piastres. Et puis on se dit, ouais, c'est de la prostitution. C'est bon. Ils essaient de justifier ça. Avec les autres. Non. Mais le pire, c'est quoi? Le pire, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils disent que c'était Omar ibn al-Khattab, parce que le mariage de jouissance, ou de temporaire, c'est un mariage qui était pratiqué même par les idolâtres. Autant avant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, au tout début, il n'a pas interdit, comme l'alcool. C'est pas interdit du tout début, ou le porc. Le porc, les interdictions ont commencé seulement à Médine. Hein, 13 ans après, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra, et là, c'est là que les ahkam, les règles de sharia ont commencé à descendre. Hein, et que les interdictions sont apparues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à expliquer ce qui était interdit et permis. Et là, au tout début, il l'a pas interdit complètement, mais il l'a limité. Hein? Et par la suite, vers la bataille de Khaybar, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit complètement. Et il y a un hadith même rapporté dans Sahih Muslim. Et non seulement, parce que eux disent que c'est Omar ibn al-Khattab qui l'a interdit, il y a effectivement un hadith rapporté selon Omar ibn al-Khattab qui interdit le mut'a. Sauf que il y a un autre hadith qui est encore plus explicite et plus clair sur l'interdiction du mut'a, et il n'est pas rapporté par Omar ibn al-Khattab, mais il est rapporté par Ali ibn Abi Talib lui-même. Et il a expliqué dans ce hadith, il dit clairement dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Khaybar, est monté sur le minbar et il a interdit, il a dit que le mariage temporaire et les ânes domestiques étaient interdits jusqu'au jugement dernier. Les ânes domestiques. C'est-à-dire manger la chair des ânes domestiques. Al-humr al-ahliya. Qu'est-ce Ouais, c'est les manger. Donc, non, on a le droit de les utiliser pour chose, mais pas de les manger. Leur viande est haram. Donc, ça c'était clair, l'interdiction pour le mut'a est claire dans ce hadith. Donc, il reste plus de doute. Ils ne peuvent pas prétendre que c'était une simple interprétation, une simple ijtihad de Omar ibn Khattab. Non. C'est réellement l'interdiction qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est interdit de le faire. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, Inch'Allah, d'essayer de lire ça, puis si vous n'êtes pas capable encore de lire l'arabe tout seul, Inch'Allah, trouver quelqu'un qui va être capable de s'asseoir avec vous et vous expliquer un peu ce qu'il y a dans ce livre. Et peut-être même, si Dieu veut, Inch'Allah, on aura même l'occasion de s'asseoir ensemble et de lire un peu de ce livre. Peut-être pas tout parce que c'est long, mais d'essayer de passer par-dessus les choses les plus intéressantes. Et peut-être même dans le prochain chapitre, on va en parler un peu de certaines aspects. On va commencer notre dars de la semaine, Inch'Allah. Notre frère Hamza est revenu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on était arrivé au point où dans le livre le cheikh explique les questions de sincérité ou de shirk dans les intentions. Et ça a un rapport avec, premièrement, Ar-Riya, c'est-à-dire le fait de faire des actes dans le but de se montrer. Hein, donc on a trouvé que ça va contraire à, c'est en contradiction avec la sincérité pour Allah. Et la deuxième aspect de ça, c'était de l'être humain qui fait des œuvres uniquement dans le but d'acquérir un bien dans la dunya et de ne pas avoir aucun intérêt pour qu'est-ce qui a rapport avec l'au-delà ou l'akhira. Et on était arrivé à un point où le cheikh expliquait un hadith très important, et on va lire tout de suite qu'est-ce que le cheikh nous dit. وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِ أَنَّ مَنْ كَانَ قَصْدُهُ الدُّنْيَا يَجْرِي وَرَاءَهَا بِكُلِّ هَمِّهِ أنه يصير عبدا لها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط تعس وانتكس وإذا شنك فلم تقش. ومعنى تعس لغة سقط والمراد هنا هلك. وسماه عبدا لهذه الأشياء لكونها هي المقصودة لعمله. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته كما هو حال أكثر. نعم. donc le chef il dit, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son livre Sahih que celui qui fait un acte et que son intention dans ses œuvres est uniquement de courir derrière la dunya, et que ça fait tout son intérêt, hein, et tout son intérêt unique, alors c'est en réalité comme s'il devenait un esclave de la vie d'ici-bas. comme s'il devient esclave de la vie d'ici-bas, au lieu d'être un esclave d'Allah, il devient esclave de la dunya. Hein? Et c'est un hadith rapporté selon Abu Huraira, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que périsse l'esclave de dinar. C'est une monnaie. Hein? C'est une monnaie qui était utilisée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est encore utilisée dans certains pays, mais elle n'a pas la même valeur qu'elle avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dinar était en or. Et le dirham, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va le mentionner aussi, le dirham était fait d'argent. Donc, c'était ça la distinction. Aujourd'hui, il y a des pays qui utilisent le dinar ou le dirham encore aujourd'hui, sauf que, bien entendu, ça n'a pas la même valeur que ça avait à cette époque. Et c'est plus aujourd'hui de plus faire en or et en argent. On utilise d'autres métaux qui n'ont pas du tout la même valeur. Donc, oui, subhanallah. Oui, c'est grave, c'est vrai, parce que avant la monnaie, par exemple, une pièce d'or, ça valait sa valeur d'or, et une pièce d'argent, ça avait sa valeur en argent. Mais aujourd'hui, le 25 sous, le métaux avec lequel on fait le 25 sous au Canada, il n'a pas la valeur de 25 sous. Le papier de 5 dollars, il ne faut pas 5 dollars, donc c'est comme le fait, mais c'est de la spéculation. Donc, il y a des chouïrs qui ont parlé de ça aussi, qui ont expliqué toutes ces questions-là au sujet de l'économie islamique. C'est très intéressant de rentrer dans ces sujets-là. Et là, on va pas s'attarder trop parce que, de toute façon, je suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. Et puis, deuxièmement, étant donné qu'on doit continuer le sujet. Donc, le cheikh, il mentionne ce hadith, et je vais terminer l'explication. C'est que périsse l'esclave du dinar, que périsse l'esclave du dirham. On pourrait dire aujourd'hui, que périsse l'esclave du dollar. Hein, c'est la même chose. Sa'it Abd al-Khamisa, Sa'it Abd al-Khamila. Al-Khamisa, c'est les vêtements, hein, les vêtements, les beaux vêtements. Al-Khamila, c'est les tapis, les beaux tapis. Donc, quelqu'un qui devient esclave des choses, des décorations, esclave des vêtements, esclave de son apparence, esclave de toutes les choses de cette vie. Hein. Il vit uniquement pour ça. Hein. Donc, après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il le reçoit, il est satisfait. Mais s'il ne le reçoit pas, il se met en colère. Après, le professeur Hassan dit encore, ta'ita wa ntakat, qu'il périsse et, que ces choses, ntakat, c'est comme si le professeur Hassan dit, que ces choses ne fonctionnent pas pour lui. C'est-à-dire, que ses affaires ne réussissent pas. Wa iza shika fa lam taqash. Il se fait accrocher par une épine ou un crochet, il ne peut plus s'enlever. Comme un hameçon, par exemple. Quand ça rentre, il peut le faire sortir parce que c'est. Alors, c'est ça que le prophète a dit. Si il se fait piquer par cette dunya, ben, il n'est plus capable de s'enlever, de rentrer là. Hein? Alors, le chef, il explique le hadith étape par étape. Donc, nous, on va suivre son explication. Et puis, là où c'est nécessaire de rajouter des petits commentaires, on va, Inch'Allah, on va essayer d'en rajouter. Oui, le chef, il dit, en fait, ce hadith-là, à propos de la dunya, ou à propos de toutes ces choses qu'il a mentionnées, c'est pour celui qui fait de la dunya un but, un objectif. Un absolu, d'accord? Mais celui qui utilise la dunya comme un moyen pour arriver à la satisfaction d'Allah, pour lui, c'est pas maudit, pour lui, c'est pas mauvais. Le mauvais, c'est quand celui prend la dunya et il l'utilise uniquement parce qu'il voit que c'est son but et son objectif dans son existence. Il oublie Allah, il oublie Al-Akhirah, il oublie l'au-delà. Mais pour le mu'min, pour le croyant, lui, il regarde la dunya comme une sorte de, comme on pourrait dire, une sorte de un passage ou comme un champ, d'accord, comme un fermier ou un cultivateur, il va dans son champ, il sème et il récolte par la suite. Donc pour nous la dunya c'est comme ça, on fait les œuvres, on est en train de semer. Quand on fait du bien, quand on obéit à Allah, c'est comme si on est en train de semer dans le champ. Puis au jugement dernier, Inch'Allah, c'est le temps des récoltes. Et on va récolter selon ce qu'on a semé dans l'au-delà. Dans cette vie peut-être, ou dans l'autre. Oui, c'est pour celui qui en fait un but, un objectif, pour celui qui en utilise comme un moyen. Alors pour lui c'est quelque chose de béni, s'il l'utilise dans le bien, ou s'il l'utilise dans le mal, ça devient quelque chose de mal. Donc le cheikh il dit ta'isa, le mot ta'isa en arabe, ça veut dire quelque chose qui a tombé. Hein. Mais aussi ça a le sens de halak, ça veut dire de périr ou d'être dans la d'être en perdition. Hein. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé, il a appelé la personne esclave de ces choses-là, parce que il fait toutes ses œuvres dans le but de l'acquérir, d'acquérir ces choses-là uniquement. Ok? Alors, toute personne qui se dirige dans son intention à autre que Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est comme s'il fait de cette chose un partenaire avec Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il devient esclave de cette chose. Alors qu'en réalité, on devait tous être esclaves uniquement d'Allah, hein. Alors, ils disent que ça, c'est l'état de la plupart des gens, aujourd'hui. D'accord? On prend la vie de celui-ci-bas comme notre, pas tout le monde, mais une grande partie des êtres humains, on prend cette vie d'ici-bas comme un but. Et on peut voir ça juste dans la façon comment on éduque nos enfants. La priorité qu'on donne aux enfants, qu'on fait comprendre aux enfants, c'est que le plus important, c'est d'avoir le succès dans les études, dans le travail, dans l'argent. Et ça, c'est le plus grand succès. Si tu dois, laisser tomber l'islam, pas laisser tomber l'islam, mais négliger l'islam pour arriver à atteindre ton but dans cette vie, c'est pas grave. L'important, c'est que tu arrives à acquérir ce que tu veux pour ta dunya, pour bien vivre dans cette vie. Et le reste pour certaines personnes, c'est pas important. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que, ouais, c'est pas seulement ici, c'est surtout même dans nos pays, je dirais même que c'est surtout même dans les pays musulmans que c'est comme ça. Ouais, plus ici. Oui. C'est très fort, c'est très fort. Ici, les gens sont, ils le sentent, mais ça existe. Sauf que c'est presque inconscient. Ça existe, mais surtout, en tout cas, moi je ne sais pas, mais pour certains c'est très important, surtout pour les immigrants, hein. Et pour certains Québécois, dans certaines familles, mais pas pour tout le monde. Dans les pays musulmans, c'est très très fort, parce que, peut-être, donc, les frères qui viennent de là-bas, ils connaissent mieux ça que moi encore. Moi, ouais, c'est ça. Parce que, en plus, là-bas, il faut payer pour envoyer les enfants ici à l'école. Ici, bon, si on est né ici, on paye pas cher, trop cher les études. Mais quelqu'un qui est dans un autre pays, et qui veut avoir une meilleure éducation, il va payer pour envoyer son enfant dans une école privée. Donc, qui enseigne peut-être une langue étrangère, pas dans sa langue maternelle, dans une autre langue. Tu veux dire pour les musulmans? Ouais, ça c'est sûr. Mais par contre, dans les pays musulmans, dans beaucoup de pays musulmans, il y a dans chaque pays musulman à peu près la plupart des écoles occidentales où par exemple, j'ai un ami marocain qui est à Montréal, et il a étudié au Maroc, dans une école où les professeurs, les enseignants, étaient des religieuses catholiques. Et il a grandi toute sa vie, il a uniquement appris la langue française, et il a étudié la religion, mais il n'a pas étudié la religion chrétienne, sauf que, étant donné que c'est des religieuses catholiques qui l'enseignent, c'est sûr qu'il ne va pas avoir cette compréhension de l'islam, cette, Donc, quand on fait nos enfants, on envoie nos enfants dans des écoles comme ça, on peut pas espérer par la suite, mais on peut pas penser qu'ils vont sortir avec une religion comme solide, puis une compréhension correcte de l'islam. Hein. Et ça, c'est très dangereux, et même les ulama, ils ont expliqué que d'envoyer nos enfants dans ces écoles-là, c'est interdit. Pourtant, il y a des musulmans qui le font comme si rien n'était, parce que pour eux, c'est l'important, c'est d'arriver à avoir une position dans cette dunya. Et les enfants qui sortent de ces écoles, dans les pays musulmans, ont souvent un statut plus élevé, où ils ont une facilité à trouver un emploi, plus que les enfants qui viennent des écoles traditionnelles du pays. C'est-à-dire qu'ils n'enseignent pas d'une façon étrangère. Non, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui c'est comme ça. C'est des familles laïques, comme le frère a dit. Et puis, pour eux, l'islam, bon, c'est quelque chose, on porte le nom. Nos ancêtres étaient des musulmans. Et souvent même, le frère, il mentionne ça, ça me ferait parce que il y a un lien très fort entre les familles de tendance qui viennent de tendance soufis et la laïcité. C'est bizarre à dire, mais il y a un lien très fort. Surtout comme le frère, par exemple, que je vous dis qu'il vient du Maroc, son père vient d'une famille soufis. Et pourtant, c'est des laïcs. Pour eux, la religion, c'est quelque chose. Et la dunya, c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger les deux. Et cette division-là, ça vient du fait que les soufis, ils divisent la religion en deux aussi, entre, par exemple, la sharia et la tariqa. La sharia et la haqiqa. Ils divisent la religion en deux branches. Et donc, ils divisent le spirituel et ils divisent le temporel. Donc, quand ils divisent ces deux choses-là, dans leur tête, ça fait une sorte de division aussi, même dans la pratique de la religion. Et donc, ça fait, à la fin, j'ai remarqué que beaucoup de soufis, ou beaucoup de gens qui ont des tendances laïques, à l'origine, si tu retournes dans leur éducation, ils ont été éduqués à la façon soufiste. Et ils ont une éducation soufie, selon l'éducation de soufie. Mais, de le faire, c'est pas permis. Attendez, de le faire, c'est pas permis. Si tu veux que tes enfants grandissent dans l'islam, qu'ils soient des bons musulmans, il faut leur donner le plus possible un bagage ou les protéger contre toute forme de déviation ou d'égarement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de les mettre dans un environnement où ils vont étudier des choses qui vont les aider à garder leur islam et leur foi. D'accord? Sauf que, j'ai oublié cette question là, c'est. Oui, c'est ça. Oui, c'est très complexe de discuter. Non, c'est vrai. Mais tout ça, c'est à cause de la déviation ou l'égarement ou l'éloignement des musulmans de la voie qui suit, de la voie de l'islam, de la voie du prophète. Parce que aujourd'hui, quand on parle de questions d'éducation et d'islam, on est obligé de dire, parce que moi je vous dis, si on lit les fatwas des ulama de l'islam au sujet de ces questions-là, on voit clairement que les ulama, ils ont clarifié qu'est-ce qui est halal et haram, qu'est-ce qui est haram dans ça. Et je peux dire, sans aucun doute, que la plupart de ce qui se passe, c'est haram. Sauf que, dans certaines situations où la umma est rendue, yani, que en, la règle, c'est le haram, de tout ce qui se passe, en, la règle de base, c'est que c'est le haram qui existe, et l'exception, c'est le halal. Donc, dans des situations comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est uniquement expliquer c'est quoi le verdict. C'est-à-dire expliquer ce qui est halal, ce qui est haram, et laisser la confiance, laisser aux gens et leur confiance. C'est-à-dire, ceux qui craignent Allah et qui vont se rappeler, ils vont savoir ce qu'ils doivent faire. C'est comme quand on dit par exemple que les musulmans doivent faire le hijra pour aller vivre dans un pays musulman. Là, si tu dis ça, les gens vont dire, ah mais, est-ce que tu dis que tous les musulmans doivent quitter le Canada pour aller retourner dans les pays musulmans? Et là, ils disent, mais ça c'est impossible. D'accord. Est-ce que tous les musulmans ont quitté les pays musulmans pour venir au Canada ou aux États-Unis tous en même temps? Non. Ils sont venus individuellement et par groupe, hein, et un à un, ils sont partis vivre chez les non-musulmans. Donc, de la même chose, de la même façon, on explique aux musulmans le verdict et on laisse à chacun sa conscience, et celui qui craint Allah et qui a compris le message, Inch'Allah, il va faire l'effort pour essayer d'aller vers l'endroit où c'est meilleur pour lui et pour sa religion. Mais on ne peut pas rêver ou penser que tout le monde va partir et aller tout d'un coup. Non, c'est absurde de penser ça. Mais l'important, comme je vous dis, c'est d'expliquer. Ouais, c'est un beau rêve. Mais là. Non, c'est sûr. Mais si nos pays, ce n'est pas des pays, des gouvernements musulmans qui appliquent l'islam réellement, ou comme ça devrait l'être, eh bien, je peux dire que le Canada est encore plus loin de l'exemple de l'islam que les pays musulmans. Et si on veut vraiment, je pense, bâtir quelque chose, si on pense, comme certains musulmans ici au Canada maintenant, dans certains groupes, ils pensent qu'ils peuvent aider à bâtir la société canadienne et de participer à la construction de la société pour peut-être, Inch'Allah, pour l'avenir, que ça devienne un pays musulman, eh bien, je dis que, étant donné que dans les pays musulmans, l'islam est déjà à la base, pourquoi pas mettre le même effort dans nos pays et d'essayer, pourquoi pas essayer de créer une société qui va être meilleure. Il y a des musulmans qui disent, par exemple, ah mais dans les pays occidentaux, il y a de la justice, il y a de l'égalité, il y a des droits, on peut avoir nos droits, tandis que dans nos pays, on ne peut pas. D'accord. Est-ce que dans les pays des occidentaux, ils ont eu ça du jour au lendemain, ou bien est-ce que c'était pas parce qu'ils ont vécu dans l'injustice extrême de leur religion et de leur politique qui les a poussés à tomber dans les extrêmes qu'ils sont aujourd'hui? D'accord? Ils sont passés d'un extrême à l'autre. Alors moi je dis, si on va respecter les règles de l'islam et retourner dans nos pays et essayer de bâtir et de construire des sociétés qui vont être en accord avec la loi d'Allah, alors je crois que si on a la bonne intention, si on demande l'aide d'Allah, que c'est possible, avec le temps, Inch'Allah, de faire quelque chose de bon. Non. Oui. Regarde, il y a des choses comme tu dis qu'il y a des places. Non, ça on est pensé qu'il y a des pays où il y a beaucoup de contraintes et de difficultés. Si c'est dans un pays, peu importe, que ce soit un pays musulman ou non musulman, si c'est dans un pays où tu n'as pas la capacité et la possibilité d'exprimer ta religion librement, c'est-à-dire d'extérioriser ton islam ou ta foi, l'ordre, c'est que tu dois faire vivre. Tu dois quitter ce pays, aller dans un autre pays où tu peux pratiquer ta religion ouvertement sans avoir peur. D'accord? Que ce soit un pays arabe ou non arabe. Maintenant, les musulmans, ils pensent que, bon, parce qu'un pays est musulman depuis des siècles, et que c'est un pays musulman, et que, bon, ils ne peuvent pas, par exemple, pratiquer certains aspects de l'islam librement, ils croient qu'ils doivent rester là-bas et endurer ça, et puis même avec le temps, ils vont quitter l'islam, eux et leur descendants. Non, il faut essayer, ceux qui sont capables, de quitter ce pays-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Mecca, et les sahaba aussi, ils ont quitté Mecca, ils sont allés à Al-Madina Al-Munawwara. Pourquoi? Parce qu'à Al-Madina, ils avaient la liberté de faire le da'wah et d'appeler les gens à l'islam et d'appliquer l'islam. Mais à Mecca, ils n'avaient pas cette liberté-là. S'ils étaient restés à Mecca, ils allaient se faire tuer, ils allaient se faire torturer, insulter et tout. Donc ils ont quitté. Ils sont allés vivre là où ils étaient capables de faire. Oui. Oui, mais même dans les ponts, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? Mais sauf que parmi les pays musulmans, il y a des degrés, il y a des différents niveaux. Il y a certains pays musulmans où tu peux faire ce que le frère a dit. Tu peux dire à un musulman qui, par exemple, lui, il a mentionné un exemple de kufr, c'est-à-dire un musulman ou une personne qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir. Il a quitté l'islam, automatiquement. D'accord? Qu'il le dise en blaguant ou qu'il le dise sérieusement, il est plus musulman. D'accord? Celui qui fait ça, lui, il dit qu'il ne peut même pas lui dire arrête. Ça, c'est un extrême. Je ne crois pas que c'est un exemple qui existe dans tous les pays musulmans. Ça existe peut-être dans certains pays musulmans, mais pas dans tous les pays musulmans. Et il y en a certains pays musulmans où tu peux pratiquer ta religion à un certain niveau. Et comme certains musulmans ont mal compris aussi le principe de Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, comme ordonner le bien et interdire le mal. Certains musulmans ont compris que Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, interdire le bien, ordonner le bien et interdire le mal, doit se faire avec la main, doit le changer par la force. Et si tu ne peux pas faire ça, donc tu n'as pas le droit. Non. Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, si tu ne peux pas le faire avec ta main, tu peux le faire avec ta langue. Si tu ne peux pas le faire avec ta langue, tu le fais avec ton cœur. Al-Inkar bil Qalb. Et ça, c'est le minimum de la foi. Donc si tu as fait ça, tu as fait ce que tu peux. D'accord? Donc on peut toujours faire Al-Inkar, même dans les pays où, comme le frère a dit, il y a certaines difficultés ou contraintes. Mais. Il y a certains pays où, même si par exemple on prend le Maghreb, en fait, bon, il y a des choses que les musulmans ne peuvent pas faire. Mais par contre, il y a des enfants. Les enfants ont grandi dans une société musulmane. Un enfant, il est dans la classe. Et il s'approche un petit peu à la maison. Et que son père lui dit de prier ici. Un enfant, il dit ça, son propre père lui dit, mon père, mais il dit de prier. Il peut avoir des conséquences. Donc, quand même, l'enfant, même si la société n'est pas parfaite, mais quand même, Oui, mais dans ce cas-là, regarde, moi j'aime bien mon frère. Dans ces pays-là où tu dis que, je sais que tu l'as dit, mais si tu dis par exemple dans ces pays-là où les gens insultent Allah et son messager, les gens peuvent même pas dire arrête, d'accord? C'est causé par quoi? C'est quoi la base du problème? D'où ça vient ce problème? Pourquoi les gens. Non, c'est pas le gouvernement. C'est la base du problème. Réponds-moi sans mentionner le gouvernement, parce que c'est pas ça la base du problème. Le gouvernement de ce pays dont tu parles n'a pas ordonné à chaque individu du pays d'insulter le prophète. Ceux qui décident d'insulter le prophète, ce sont des individus, et ils le font de façon libre. C'est pas imposé par le gouvernement. Donc, c'est sûr que peut-être le gouvernement ne l'interdit pas, c'est-à-dire n'interdit pas aux gens de le faire, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement n'interdit pas, qu'il l'oblige. non plus. Et dans ce cas-là, ça revient que les individus dans le pays sont libres. Et s'ils le font, si une personne est capable d'insulter Allah et son messager, ça pourquoi? Pas de foi du tout en Allah, d'accord? Et s'ils n'ont pas de foi, ça revient à quoi? Ça revient à l'ignorance, ça revient à l'absence d'enseignement islamique, l'absence de pratique, l'absence de da'wa. Et ça remonte loin. D'où ça vient? Quand est-ce que ça a arrêté? Quand est-ce que le da'wa a cessé? Quand est-ce que la connaissance a cessé? C'est pas seulement. Toi, ça remonte loin. Mais pour que ça revienne, que l'islam revienne dans ces pays-là, il faut qu'il y ait de l'éducation, il faut qu'il y ait de da'wa, il faut qu'il y ait de l'enseignement. Mais c'est pas, il faut pas automatiquement dire c'est le gouvernement et des choses comme ça. Ça, c'est l'erreur qu'on pense, beaucoup de musulmans font. C'est pas nécessairement qu'on garde. Ça, c'est une grosse question. Si on rentre dans ça, là, on va même pas finir. D'accord? Mais, yani, Inch'Allah, chaque personne, il a l'obligation de s'éduquer lui-même et d'éduquer sa famille dans sa maison. Dans sa maison, il est capable de rappeler les gens. Je ne pense pas qu'il y a de la difficulté à faire ça. Si chacun fait son travail chez lui, dans sa maison, je pense qu'il est capable de changer beaucoup de choses. Mais s'il n'est pas capable dans sa propre maison de faire quoi que ce soit, il ne pourra rien changer dehors dans la rue. Et encore même dans le gouvernement. Encore moins dans le gouvernement. Tu comprends? Et encore moins dans l'école. Tout commence à ce niveau-là. Les Sahaba, quand ils ont commencé à Mecca, à faire le da'wa, ils ont commencé entre eux, dans les familles, dans les maisons. Petit à petit, les gens ont commencé à écouter qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est la ilaha illallah, c'est Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que c'est Tawhid. Et ça s'est répandu. Et puis, c'est uniquement, il y a des années après, que les gens ont commencé à sortir dehors dans la rue pour dire Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna Muhammad Rasulullah. Et c'est comme ça que le da'wah a commencé, dans les maisons. C'est comme ça que ça doit continuer aussi. C'est ça. Au début, c'était comme ça. Ouais, c'est clair. Mais il y a eu des dépassements de certains groupes musulmans aussi dans ces pays-là. Comme par exemple, qu'on pense, certains groupes comme des Ikhwan Muslimin ou d'autres, qui avec leurs techniques ou leurs tendances, qui ont des penchants, qui sont en dehors de la guidance du prophète sallam, leur seule intention c'est de prendre le pouvoir en faisant des coups d'État et de renverser les États. Donc le gouvernement, ils ont vu ces gens-là, ils ont dit, ces gens-là, ils veulent nous renverser, ils veulent nous attaquer. Donc on va les couper, et on va les interdire de se rassembler, et on va les interdire de faire quoi que ce soit qui a rapport avec l'islam dans ce groupe-là, parce que ces gens-là, c'est des gens qui veulent faire la fitna et qui ont des tendances politiques. Alors, pour éviter, à cause de ces gens-là, à cause de ces groupes-là, oui, à cause de ces groupes-là, ça empêche tous les autres maintenant qui ne sont pas avec eux, qui suivent l'islam selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler les gens à Allah. Yani, on paye à cause de l'erreur des autres groupes qui sont tombés dans l'extrémisme, et puis à cause d'eux, tout la Ummah doit payer. À cause de l'exemple de certains égarés, certains extrémistes, yani, toute la Ummah en paye le prix. Le problème, c'est que eux, ils ont une idée qu'ils doivent aller voir le président ou le dirigeant pour lui dire d'appliquer l'islam. Si le dirigeant refuse, ou s'il ne répond pas à leur demande sur le champ, alors là, ils passent à la violence automatique, tout de suite. Tout de suite. Et à cause de ça, il y a une histoire. Il y a des histoires. Parce que ouais. Tu vas voir, il commence par Ils vont commencer à faire des fois des réunions secrètes. Après, ils commencent à dire, bon, comment on va faire pour trouver des armes? Comment on va faire pour trouver des explosifs? Comment on va... Ils vont essayer, à leur façon. Par exemple, par les élections, par les élections, ou le suffrage universel comme en Algérie, ils ont essayé, c'est pas une question de destin. Hein, le prophète ne nous a pas dit, essayez d'appeler les gens à Allah, puis s'ils n'acceptent pas, ben là, allez, puis prenez les armes. Continuez pacifiquement jusqu'à ce que les gens acceptent. C'est pas. Le prophète sallallahu alayhi il a pas pris les armes, là, le lendemain, à Mascate, il dit, bon, ça y est, on va attaquer les kuffars. Hein? Et c'est ça l'erreur, là, les gens ne comprennent pas. Le prophète sallallahu alayhi il a dit, soyez patients. Hein, soyez patients. Même si on vous frappe votre dos, on vous prend votre argent, endurez, soyez patients. Et puis Allah va vous donner la victoire. Oui, exactement. Même s'ils te frappent ton dos, obéissez aux dirigeants. Même s'ils font l'injustice, même s'ils font les péchés, et même s'ils font les désobéissances, tant qu'ils font la prière, tant qu'ils ne font pas un coffre clair, ils doivent les oublier. Et même s'ils font le coffre, et que tu n'as pas une capacité de les chasser et de les enlever, sans créer trop de désordre et de là, comme c'est la situation actuellement. Alors, laisse ça. Pense pas à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on comprend l'exemple des prophètes, comment ils ont appelé les gens à l'islam, comme par exemple Moussa, comment il a appelé Pharaon à l'islam. Moussa est allé voir Pharaon, qui est le plus grand pharaon. Pharaon, c'est le plus grand pharaon, le plus grand tyran qui a jamais existé sur la terre. Il n'y en a aucun tyran qui va égaler Pharaon dans son arrogance. Il a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut, Pharaon. Il a dit, ana rabbukum al-a'la. Hein? Alors, Pharaon, il a dit, Allah lui a ordonné à Moussa d'aller voir Pharaon et de lui parler de la meilleure manière, de la façon la plus belle, la plus polie, la plus sage, pour l'appeler à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les groupes musulmans aujourd'hui, quand ils parlent de dirigeants, ils utilisent la moitié ou le tiers de la politesse que Pharaon utilise, que Moussa a utilisé pour Pharaon? Même pas. Ils montent sur le mambar dans les mosquées et ils mentionnent les péchés qu'ils ont faits et ils les insultent en public devant toute l'assemblée des gens qui prient. Hein? Et qu'est-ce que ça fait dans le cœur des musulmans? C'est genre de, ça crée de la haine. Hein? Et après, qu'est-ce que ça pousse les gens à faire? À se révolter, à faire des actes de désobéissance, de manifestation. Et faire tout ça, et qu'est-ce que ça crée après dans mon pays? Ça crée un déséquilibre politique, une instabilité politique. Et quand il y a une instabilité politique, qu'est-ce que les non-musulmans font? Ils l'utilisent contre nous. Parce que quand il y a une instabilité dans le pays, ça les profite, parce qu'ils sont capables d'utiliser ça après pour nous écraser, pour nous diviser entre nous. Et c'est comme ça qu'ils font. Et après, quand il y a ces instabilités-là, qui est-ce qui en profite à la fin? C'est toujours les laïcs. Parce que c'est les laïcs qui vont arriver par la suite et qui vont profiter de cette instabilité-là. Et les non-musulmans vont dire, bon, allez-y, on va vous supporter et on va vous aider à vous mettre au pouvoir. Et là, tous les bienfaits que certains musulmans avaient réussi à gérer, tous les avantages, tout l'avancement du da'wah qu'on avait réussi à avoir, eh bien, en peu de temps, c'est disparu, c'est perdu. Par exemple, je vous donne juste l'exemple de l'Afghanistan. Les musulmans avaient réussi à arriver à un certain niveau, à 90% du territoire. Et les musulmans avaient commencé à, les femmes portaient le hijab et tout. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de choses contraires, qui étaient encore contraires à l'islam, mais ils étaient dans une voie pour aller vers un état où ils appliquent la charia et ils respectent l'islam. Il y avait beaucoup de travail à faire, c'est normal, il y avait beaucoup d'erreurs, mais Inch'Allah, on espérait que ça allait être quelque chose de bien. Mais à cause de l'erreur de certains, qui sont trop pressés, qui veulent voir les résultats tout de suite, qui n'ont pas de patience, qui ne suivent pas la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tombés à faire qu'est-ce qu'ils ont fait le 11 septembre et tout, et puis c'est retourné contre nous. Tout ce que, qui avait été bâti durant ces années ont été détruits. Non, moi j'ai pas nommé personne, mais peu importe qui l'a fait, moi je suis convaincu que c'est ceux qui sont de connaître. C'est ça. C'est pas grave, mais on sait que ce sont des gens qui disent, qui prétendent être musulmans ou qui sont musulmans et qui ont une manhaj, une aqida qui est contraire à la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit. Moi j'ai entendu des choses, des ulama qui ont expliqué ces choses-là, qui ont clarifié ça. Quelqu'un. Ils disent toujours ça, ils disent, subhanallah. Celui qui, même si, que ce, ouais, je sais, mais regarde, ceux qui disent que c'est pas les musulmans, ok, ils ont toutes sortes de théories, d'accord, et puis de toute façon, si tu regardes, que qu'il l'ait fait ou qu'il n'ait pas fait, ceux qu'on accuse, eh ben, s'ils ont approuvé ce acte, même s'ils l'ont pas fait, ils sont quand même coupables. Et complice. Tu comprends? Parce que, bien, tu vois quelque chose comme ça et tu l'approuves, ça veut dire que tu es complice indirectement, tu es d'accord avec ça. Tu comprends? Et ceux-là qui ont été accusés, ils ont approuvé, ils ont montré qu'ils étaient d'accord avec ça. Pour des raisons politiques ou je sais pas quoi, mais tout à fait contraire à la charia. Oui, c'est ça. Et là, c'est une grave fitna. Donc, qu'Allah nous protège la fitna. Et on revient à notre danse. J'avais quand même voulu avoir une petite information là, à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, là, sur le fait qu'on a oublié les deux gens. Non. Bon. Il y a ici, il y a une bonne capacité de hadith qui dit que le prophète, à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, obéissez aux dirigeants des musulmans et ne retirez pas votre main de l'obéissance. Même si vous voyez les dirigeants faire des péchés. Et désobéir au prophète ou à Allah subhanahu wa ta'ala, ne les désobéissez pas. Excepté s'il vous ordonne de faire un péché, dans le péché vous ne les obéissez pas. Mais en dehors de ce qui est haram, en dehors de ce qui est péché, vous devez les écouter et les obéir. Et ça fait partie d'obéir à Allah et son messager. C'est comme obéir à ton père ou à ta mère, ou d'obéir à ton mari, si tu es une femme, si ton mari il fait des péchés, est-ce que ça veut dire que tu dois lui désobéir parce qu'il fait des péchés? Non. Si ton père fait des péchés, est-ce que ça veut dire que tu dois lui désobéir s'il t'ordonne de faire quelque chose? Non. Mais s'il t'ordonne de faire quelque chose de bien ou de faire quelque chose qui est correct, va, par exemple, il te dit, va au magasin, achète-moi du pain, reviens. Tu vas lui dire non parce qu'il fait des péchés? Non. Tu n'as pas le droit. Tu dois l'obéir dans le ma'ruf, dans le bien, tu dois l'obéir. Et le dirigeant, c'est lui qui est dirigeant, c'est lui qui est responsable de la Ummah. Et même s'il fait des péchés, c'est l'obligation de l'obéir comme tu dois obéir à ton père, fils et. Hein. Dirigeant musulman. Ouais, d'un dirigeant musulman. S'il n'est pas musulman, bien entendu, ce n'est pas obligatoire de l'obéir, mais il faut faire attention quand même aussi que si, par exemple, comme j'ai expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit aux musulmans de prendre les armes contre un dirigeant musulman, même s'il fait des péchés. Mais si il a fait un acte clairement, il a déclaré qu'il a quitté l'islam et tout, dans ce cas-là, c'est sûr que dans ce cas-là, ce serait permis, mais seulement selon certaines conditions. Et ces conditions-là, c'est que les musulmans aient une capacité de l'enlever et de le remplacer par quelqu'un d'autre qui est mieux, et de le faire sans que ça va faire couler le sang des musulmans et sans que ça crée du désordre, d'accord? Parce que quand il n'y a pas de dirigeant dans une société, comme ce qui s'est passé après le renversement de Saddam Hussein en Irak, Saddam Hussein était déclaré kafir par les ulama de l'islam. Il avait été déclaré apostat, mécréant par les ulama de l'islam, les savants de l'islam. C'est sûr que durant son temps, il y avait beaucoup d'injustice et de zulm et de coffre dans la société parce qu'il fait partie d'un parti communiste qui est en dehors de l'islam. Sauf que lorsqu'il y a eu le renversement par les Américains, la société est devenue un sorte de chaos total. Donc, on peut voir ce qui se passe dans un pays comme ça, lorsqu'il n'y a plus de dirigeants, lorsqu'il n'y a plus de tête, ça devient le chaos. C'est sûr que durant le temps de Saddam Hussein, il y avait beaucoup de mal. Mais le mal qui est venu maintenant après lui est plus grave que le mal qui existait avant. Parce que là, sans oublier le fait, sans compter le fait qu'il y a eu le désordre dans la société, au plan de la sécurité, et un être humain qui n'est pas en sécurité ne peut pas adorer Allah comme il faut. Parce qu'il ne se sent pas en sécurité ni en paix. Comment tu veux qu'il ait la capacité et le temps de se concentrer dans son adoration? C'est impossible. Deuxièmement, sur le plan religieux même, les gens de Bid'a et de Ilhad, comme Shia par exemple, Rafida, les Shia là-bas, en ont profité et ils ont pu faire revivre des formes de Bid'a et de Shirk qu'ils avaient été interdits de faire pendant très longtemps sous le gouvernement de Saddam Hussein, parce que malgré qu'il était en dehors de l'islam, mais malgré tout, il avait une ligne de fer sur ces gens-là, et il ne les laissait pas pratiquer tous ces aspects de bid'a et de shirk qu'il faisait là-bas. Mais une fois qu'il est parti, vous avez dit, ça y est maintenant, tout est permis, on peut en profiter et pratiquer toutes les exemples de bid'a et de shirk qu'on ne faisait pas avant. Et maintenant, ils sont devenus très forts en Irak. Ils ont pris une grosse partie du pouvoir dans le gouvernement. Plus que ce qu'ils avaient avant. Donc, c'est pour ça que je dis, Yanné, d'être patient et d'endurer l'injustice des dirigeants lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est dur et c'est mal, mais c'est rien par rapport au mal qui peut venir quand on se met à essayer de les renverser. Et c'est pour ça que, quand les gens de Moussa, le peuple de Moussa, quand ils ont été patients, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les a libérés de Pharaon, et il a écrasé Pharaon, et il a remplacé ça par une autre situation par la suite. C'est pour ça que, il faut mettre sa confiance à Allah, être endurant et obéir dans le bien. Et s'il y a du mal, demandez à Allah de nous en protéger, parce que le mal qui va exister dans cette société à cause du dirigeant, c'est le dirigeant qui va en être demandé des comptes devant Allah. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, demandez vos droits à Allah. Demandez vos droits. Si on ne vous les donne pas vos droits, si le dirigeant ne vous donne pas vos droits, demandez-les à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce que le dirigeant fait, de péché, ça va aller contre lui. Mais vous allez avoir ce que vous avez fait. Non. Dans le haram, comme j'ai dit, s'il vous ordonne de désobéir à Allah, vous ne devez pas l'obéir. C'est-à-dire, il interdit quelque chose qu'Allah a ordonné, on n'a pas le droit de l'obéir là-dedans. Mais si, il l'ordonne, vous devez continuer à obéir à Allah. Vous dites aux dirigeants, vous dites au gouvernement, on vous obéit dans tout ce qui est bien, dans tout ce que vous ordonnez. Mais dans cet ordre, on refuse de vous obéir parce que c'est un ordre qui vient d'Allah. Et donc, à ce point-là, vous pouvez me frapper, vous pouvez me tuer, je ne vais pas cesser d'obéir à Allah. Hein? Donc ça, c'est la position du mu'min vis-à-vis des shaitans de ce genre. Hein? Allah, et même comme les chouïrs, ils ont expliqué qu'en Pagnon, dans certains pays où ils ont interdit le hijab, c'était uniquement interdit pour des positions dans le gouvernement ou dans les écoles ou des choses de ce genre. Mais dans la rue, il y a beaucoup de femmes qui portent encore le hijab et tout. Ah ouais. Il y a des sacs de fête dans les endroits, dans la capitale ou des choses comme ça. Ouais, dans les grandes villes. Mais dans les petits villages, là, dans les villes éloignées, je ne pense pas qu'ils peuvent interdire aux femmes de continuer à pratiquer et tout ça. C'est parce que, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils veulent donner une image aux kuffars. Quand il y a des touristes, il y a beaucoup de touristes qui viennent dans les pays musulmans, et pour eux, ils ont l'idée que le hijab fait partie des choses qui sont rétrogrades, backwards, hein, comme quelque chose d'ancien temps. Et ils ont l'idée que c'est primitif, c'est pas civilisé. Donc, pour donner l'image aux non-musulmans occidentaux qu'ils sont évolués, qu'ils sont un pays avancé, ils veulent interdire le hijab dans la société. Mais, comme je dis, le mu'min, la croyance, le croyant et la croyance, ils n'obéissent pas à ces ordres. Ils désobéissent quand on leur ordonne de désobéir à Allah. Et ils obéissent dans le bien. D'accord? Et bien entendu, Allah, il va juger ce gouvernement-là, ou ce gouverneur-là, au jugement dernier, pour ces crimes-là, c'est certain. Sauf que pour nous, on n'a pas l'autorité, on n'a pas le droit d'arriver, puis de réagir d'une façon violente, ou de vouloir faire des actes qui vont ramener plus de mal à la Oumma et à la société et à l'islam que le bien qu'on veut ordonner. Hein? C'est ça le danger. Oui. Tu perds l'espoir. Exactement. Il y a là-dedans une sorte de perte d'espoir. Il y a aussi, comme les prophètes, regardez l'exemple de Nuh, alayhi salam. Il a appelé son peuple à l'islam pendant 950 ans. Alpha Sanatin illa khamsina aam. 950 ans. Noé, il a vécu plus de 950 ans. Pendant 950 ans, il a appelé son peuple pour dire d'adorer Allah et de laisser les idoles. Et à la fin, quand il a su que ces gens-là, ils allaient jamais croire, Allah lui a dit, ça y est, Nuh, ton peuple, là, personne ne va plus croire. Jusqu'à maintenant, c'est fini, là, plus personne ne va croire. Là, il a fait un dua, il a demandé à Allah de les détruire. Et c'est là que le déluge a commencé. Mais, il n'a pas tout de suite, là. Allah, il dit même dans Surat Nuh, il dit, Nuh, il les a appelés ouvertement, secrètement, dans la place publique, dans les partout. Il a tout essayé, tous les moyens, pendant des années, pour les dire, استغفروا ربكم انه كان غفارا demande pardon à votre Seigneur, il va être certes pardonnant, il va vous pardonner vos péchés et il va vous faire tomber la pluie du ciel et il va vous donner toutes les barakates. Mais acceptez, demandez pardon et revenez à Allah malgré tout. Tout ce temps ils ont retrouvé, à la fin, ça l'a complètement il a su, Allah lui a dit, ça y est, c'est fini, plus personne va croire de ce peuple. Là, après, seulement après ça, là, il a fait ce doigt. Mais 950 ans. Noé. À cette époque, les gens ne vivaient pas comme aujourd'hui. Et ce n'était pas les mêmes longueurs de vie. Certaines personnes, à cette époque-là, pouvaient vivre plus que des centaines d'années. C'est après que Allah a limité l'âge, plus tard, à le nombre d'années qu'on vit actuellement. ولا يلي دو إلا فجر نعم ولا يلي دو إلا فجر إلى ذيه وقال نوح الرب لا سيبسكي dans l'aya dans la surat Allah il dit قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Donc ça c'était dans le dua de Nuh, quand il dit, oh Nuh, Nuh a dit, oh mon Seigneur, ne laisse aucune maison de kuffar sur la terre, parce que si tu les laisses, ils vont égarer tes serviteurs et ils ne vont qu'engendrer des égards, des mécréants. Donc, à cause de ça, il a demandé à Allah de faire venir le déluge. D'après ce qui est révélé dans le Coran, c'est pour toute la terre. Mais si quelqu'un a eu preuve d'autres choses, je sais que Maurice Dika, dans son livre La Bible, le Coran et la science, il a parlé de ça, mais effectivement, dans le livre de Maurice Dika, La Bible, le Coran et la science, il y a beaucoup d'erreurs dans ce sujet-là. Et surtout dans la section qui parle des hadiths. Il a renié plusieurs hadiths sur une base rationnelle. Il a essayé de rejeter plusieurs hadiths qui parlent du rêve, de l'invisible, en essayant de se baser sur la raison. Et ça, c'est une forme, c'est une grave erreur d'avoir fait ça. Mais étant donné qu'il n'est pas un savant de l'islam, étant donné qu'il n'a pas des bases solides dans l'islam, mais que c'était juste un scientifique, il a dit des choses sans connaissance à ce sujet-là. Inch'Allah, le guide le pardonne, Inch'Allah, qu'il est nouveau dans il s'était converti nouvellement à l'islam, sans qu'il ne savait pas. Ouais, c'est ça, il n'était pas jeune en plus. Donc, c'est ça, il a écrit son livre dedans, il y a certaines choses, je me souviens quand je l'ai lu, j'avais été un peu surpris là-dessus. Ah oui, il l'avait rencontré. Ouais, c'est ça, voilà. Alhamdulillah, mais son livre, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses dans son livre, mais quand même, il y a certains points où il faut faire attention là, à ce sujet-là. Sont de vrais idéaux. Donc, on va continuer l'explication quand même. Subhanallah. Bon, c'était important en même temps de parler de ça, même si c'était par rapport avec le sujet du cours, mais. C'est un coup quand même, il y a des fawa, il y a des liens là-dedans, puis on va tous en profiter. Donc après, le chef il dit, bon, qu'est-ce que j'aimerais expliquer du hadith à propos de ça, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on lui donne, il est satisfait, et si on ne lui donne pas, il se met en colère, ça peut être expliqué à deux niveaux. Au niveau de l'qadar, c'est-à-dire ce qu'il reçoit de ce qui vient d'Allah comme subsistance, ça c'est au plan de l'qadar, c'est-à-dire il pourrait dire « Ah mais comment ça se fait que je suis pauvre et d'autres êtres humains sont lui il est riche et moi je suis pauvre, pourquoi ?» Donc c'est comme si il s'interpose à l'qadar, il s'oppose à la prédestination au plan de la subsistance que Allah lui a donnée. Par exemple, il dit, pourquoi lui il est riche et moi je suis pauvre. C'est comme s'il n'est pas satisfait de la prédestination d'Allah. Il n'est pas satisfait de ça. Donc, ça c'est à un point qu'on peut comprendre le hadith. Et au plan sharia aussi, au plan de la sharia, par exemple, pourquoi, comme par exemple au temps du prophète, il est arrivé que certains parmi les gens qui avaient été, je sais pas si c'était des munafiqun ou autres, mais il y en a qui n'étaient pas satisfaits de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait distribué le butin, le zakat. Alors il y en avait qui avaient contesté, ils disaient, ya Rasulallah, la façon dont tu as divisé le zakat, c'est pas correct, c'est pas juste, tu aurais dû donner à ça et à ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu, il leur a dit, si moi je ne suis pas juste, qui d'autre sur la terre va être juste, étant donné que c'est le Rasulullah. Donc quand il donne le zakat, il sait exactement qui est-ce qu'il le mérite, à qui il doit le donner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut parfois qu'il donne à des gens qui soient moins méritants, mais il le donne dans un but, dans une intention, peut-être pour les rapprocher de l'islam. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus méritants, ils sont plus forts et plus méritants de cet argent, mais eux, leur foi est établie et ils ont vécu dans l'islam, donc ils savent, ils n'ont pas de problème, donc ils ne leur donnent pas à eux, mais ils le donnent aux autres pour leur faire comprendre qu'ils les aident et pour qu'ils se sentent plus proches de l'islam. D'accord? Donc il y a cet exemple-là. Et puis, donc après, il dit, dans ce hadith, وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على من جعل الدنيا قصده وهمه بالتعاسة والانتكاسة وإصابته بالعجز عن انتقاش الشوك من جسده ولا بد أن يجد أثر هذه الدعوات كل من اتصف بهذه الصفة الذميمة فيقع فيما يضره في دنياه وآخرته. Donc, le chef il explique que ce hadith, en fait, c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. D'accord? Mais, on peut d'après les explications que j'ai lues, on peut le prendre à deux plans. Soit que c'est une expression de la réalité des gens qui font ça, c'est-à-dire qui prennent la dunya comme leur maître, ou qui deviennent esclaves de la dunya. On peut le prendre de ce plan, sur ce plan-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les décrit, il explique comment ils sont et qu'ils vont périr à cause qu'ils sont esclaves de l'argent ou esclaves de la dunya. Ou on peut le prendre sur un autre plan et dire que c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en disant Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdu dinar, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque par exemple, la malédiction d'Allah sur ces gens-là. Et il invoque sur eux la perdition. Hein? Donc, ça, c'est deux façons dont le hadith peut être interprété ou compris. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque sur eux pour que leurs œuvres n'atteignent jamais leur but à cause de ça. Et pour que lorsqu'ils sont accrochés par le crochet de cette dunya, ils ne sont plus capables de le retirer, ou quand un mal les atteint, ils ne sont plus capables de s'en débarrasser, parce que ça s'est rentré en eux, et comme un crochet, comme une hameçon, ils ne sont pas capables de la retirer. Et donc le chef il dit que c'est sûr que la personne qui possède ces caractéristiques-là, qui sont des caractéristiques de blâme, et ben c'est obligatoire que cette personne qui a ces caractéristiques trouve les effets de ce da'wa, de ce du'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam en eux-mêmes. Et que ça cause pour lui une nuisance dans sa vie, d'ici-bas et dans l'au-delà. Je ne sais pas s'il y a un frère qui sait comment allumer la lumière. Ah, barakallahu fik. Après, le cheikh, il mentionne l'explication du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, à propos de الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر فيها ما هو دعاء بلفظ الخبر وهو قوله تعس وانتكس وإذا شك فلن تقف وهذا حال من إذا أصابته شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المكروه ولا خلص من المكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط كما قال تعالى ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون رضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا منها برئاسة أو صورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبد نعم. Donc le cheikh il explique le hadith d'une façon mashallah claire. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a appelé l'esclave, il l'a appelé esclave du dinar et du dirham et esclave des biens matériels, et il a mentionné ça comme étant un dua, mais en utilisant une expression comme si c'est une information, une affirmation. Et il a dit qu'il périsse et qu'il ne réussisse pas dans ses affaires et que s'il est accroché par un crochet, que ça ne sorte pas de, que qu'il ne soit capable de l'enlever. Et il dit ça, c'est la situation de la personne qu'un mal l'a atteint et qu'il n'est pas capable d'enlever ce mal de lui. Et il n'a pas non plus de succès parce que justement il a péri. Alors il n'a pas réussi à arriver à son but et il n'a pas été capable de se libérer du mal qu'il a atteint. Et il dit ça, c'est la situation des gens qui adorent l'argent, qui adorent le bien matériel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant en disant, et s'il reçoit, il est satisfait, et si on lui enlève, il ne reçoit pas, on ne lui donne pas, il se met en colère. Et il a mentionné une ayah dans le Coran qui dit, et parmi eux, c'est-à-dire parmi les munafiqoons, parmi les hypocrites, il y en a qui se blâment dans les sadaqat, dans les zakat. Si on leur en donne, ils sont satisfaits. Et si on ne leur en donne pas, alors voilà qu'ils se mettent en colère. Et ça, c'est l'attitude des gens qui agissent uniquement pour la dunya. C'est comme par exemple, il y a des gens au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils devenaient musulmans juste pour l'argent. Hein? Alors, quand il acceptait l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait de l'argent, il disait, ah, mashallah, cette religion est une bonne religion. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un bon prophète. Mais quand il ne lui donnait pas d'argent, ah, il disait, ah, j'aime pas cette religion. C'est quoi cette religion-là? Il commence à critiquer l'islam. Donc, ça, c'est l'exemple des gens qui sont abdou dinar ou abdou dirham. Hein? Ils prennent la religion pour un but, pour un moyen d'acquérir de l'argent, et non pour une question de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on peut voir aussi, ça a un lien, même si c'est pas direct, mais ça a un lien quand même avec l'attitude de certains musulmans vis-à-vis, la position qu'ils ont envers Ad-Dunya. Comme on a mentionné tout à l'heure l'exemple des gens qui sont pas satisfaits du qadar, d'Allah, de la prédestination d'Allah. Parfois, il se passe qu'on voit que des musulmans sont jaloux des non-musulmans pour qu'est-ce que Allah leur a donné de cette dunya. D'accord? Et en fait, nous, on sait qu'en tant que musulmans, on doit détester les gens pas pour une jalousie pour un bien matériel ou pour la vie ou pour une haine personnelle. Et on doit uniquement aimer et détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, si on aime quelqu'un, on doit l'aimer pour Allah. On doit l'aimer parce qu'il aime Allah et parce qu'il s'obéit, qu'il se soumet à Allah, hein, et qu'il se rapproche d'Allah. Et si on le déteste, on doit le détester parce qu'il rejette Allah subhanahu wa ta'ala. Et il rejette la foi en Allah et en son prophète, hein. Et comme on sait ça, on voit que par exemple, certains musulmans disent qu'ils détestent les chrétiens ou les juifs, d'accord? Mais ils le disent uniquement lorsque les chrétiens et les juifs leur font du mal. D'accord? Quand les chrétiens et les juifs font un acte d'injustice envers les musulmans, alors ils disent, ah, les Américains, ah, les juifs, ah, les chrétiens. Mais si les juifs et les chrétiens sont corrects avec eux, non, les chrétiens et les juifs sont corrects, ils sont bien. Donc, cette attitude vis-à-vis des chrétiens et des juifs, c'est une attitude incorrecte. Parce que si on déteste les chrétiens et les juifs, quand on dit détester, c'est-à-dire dans le cœur, c'est-à-dire on n'est pas d'accord avec leur croyance, on est contre leur croyance parce que leur croyance est en contradiction avec qu'est-ce que Allah et les messagers ont enseigné. D'accord? Donc, on déteste ces gens-là pour leur mécréance. Parce qu'ils disent que Allah a un fils. Parce qu'ils disent que, le Coran est un mensonge. Parce qu'ils disent que Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un menteur et qu'il n'est pas un messager d'Allah. Parce qu'ils disent que, Allah est une trinité, trois en un. Ou des choses comme ça. Et donc, pour ça, on les déteste. Pas parce que on a un problème ou un conflit matériel avec eux dans cette dunya, d'accord? Ou parce qu'ils ont plus d'argent que nous, ou parce qu'ils ont plus de pouvoir que nous. Et ça, beaucoup de musulmans, ils ont pas compris sur cet aspect-là. Alors, par exemple, si tu vois, par exemple, certains musulmans, ils critiquent les chrétiens et les juifs uniquement s'ils ont un conflit dans quelque chose de matériel. Mais en dehors de ça, s'ils n'ont pas un conflit matériel avec eux, ils peuvent être leurs meilleurs amis et rire et s'amuser et tout, comme si ils étaient corrects, comme si leur croyance était bonne, comme s'il n'y a pas de problème. Et même parmi des musulmans, il y en a qui ont dit non, le conflit qui se produit maintenant, par exemple, dans les pays, dans certains pays, entre les musulmans et les juifs, ou en Palestine, par exemple, on va dire non, on combat pas les juifs à cause de la religion. On combat uniquement les juifs à cause du territoire. Ils disent ça. Certains musulmans disent ça. Hein? Et ça, c'est une erreur, c'est faux. Le conflit qui existe entre les musulmans et les juifs, il existait même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant même que les musulmans avaient pris possession de la Palestine. Hein? Même à Médine, en partant à Médine, ils avaient un conflit avec les musulmans. Depuis le début, ils détestaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à maintes reprises, ils ont essayé de le tuer. Et à chaque fois qu'ils avaient un pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne le respectaient pas, ils le brisaient. Hein? À chaque fois, c'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Jusqu'à ce que, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en expulse un groupe d'entre eux. Et jusqu'à même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais faire sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. Et il n'a pas été capable de le mettre en application durant sa vie. C'est uniquement durant le khilafat de Omar ibn al-Khattab que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Omar ibn al-Khattab a été capable de mettre en application l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. D'accord? Donc c'est toute la péninsule arabe au complet, pas seulement Al-Madina et Mascar. Et ils ont uniquement le droit de revenir, de venir si ils viennent pour une raison, par exemple, soit pour faire un travail, ou soit pour faire un commerce, et pour faire quelque chose pour les musulmans, et après ils doivent repartir. C'est-à-dire ils n'ont pas le droit de devenir citoyens pour habiter là et s'établir constamment. Donc c'est ça. Mais pour revenir, ça c'est un point. Yani, tu vois même, on parle des chrétiens et des juifs, mais ça a rapport aussi avec les musulmans en fait. Yani, si tu vois un musulman qui ne prie pas, qui ne pratique pas l'islam, qui se fout de la religion, et puis quand tu as une question de business avec lui, il devient ton ami, tu es correct avec lui, tu ris avec lui, parce que tu as un intérêt matériel. Mais yani, quand il a un conflit avec toi, et quand il te fait un mauvais coup, ou quand il te trompe, ou te triche, alors tout d'un coup tu dis, ah, toi tu ne fais pas la prière, ça, tu mentionnes des questions religieuses, tu ramènes les points religieux, alors que quand il y avait un intérêt matériel, tu négligeais l'aspect religieux pour profiter de l'aspect immatériel. Et ça c'est un exemple aussi qui a rapport avec ça, mais peut-être que c'est pas direct, mais ça a un lien parce que le cheikh après il dit, leur satisfaction, ils se satisfait uniquement pour autre que Allah. C'est-à-dire, ils se satisfait, ils se mettent en colère pour autre que Allah. C'est-à-dire, pour autre chose que Allah ou pour autre chose que la religion. C'est pas, l'intérêt pour eux, c'est pas l'important, c'est pas la religion. كان متعلقا منها متعلقا منها برئاسة أو صورة أو نحو ذلك يعني quelqu'un qui s'accroche à quelque chose comme par exemple la présidence ou il s'accroche à une image ou à une personne ou à un groupe ou à quelque chose et au point où il rend cette chose là comme étant la base sur laquelle yani, il salue ou il se désavoue yani, il salue aux gens sur cette chose. C'est d'accord avec moi dans ce point-là, on est amis. C'est pas d'accord avec moi là-dedans, on n'est pas des amis. Mais ça n'a pas rapport avec l'islam. C'est pas basé sur l'islam. C'est basé sur quelque chose de matériel, quelque chose de la dunya, hein. Pas quelque chose qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Pourtant, ça devrait être basé sur l'islam. Je ne sais pas si vous comprenez le point. Hein? On doit s'allier pour l'islam, et on doit se désavouer l'un l'autre pour l'islam et pour Allah. Pas pour quelque chose de matériel ou quelque chose de la dunya uniquement. Hein? Si par exemple, on voit un musulman qui a des caractéristiques qui sont contraires à l'islam, c'est-à-dire il fait des péchés. On voit un musulman qui fait des choses contraires à l'islam. Dans ce cas-là, on doit l'aimer pour la base de l'islam qu'il a en lui, c'est-à-dire en tant que musulman parce qu'il dit la ilaha illallah, il croit en Allah, il fait la prière, mais on doit détester en lui les aspects qui sont contraires à l'islam parce que c'est des caractéristiques des non-musulmans. Et de la même façon, on doit, par exemple, détester un non-musulman à cause de la base de la mécréance qu'il a en lui, c'est-à-dire il rejette Allah et son messager, il rejette la foi en au-delà et tout ça. Mais s'il a des bonnes choses, des caractéristiques qui font partie de l'islam en lui, par exemple il est honnête, il est respectueux, il ne dit pas de mensonge, ça c'est des choses qui font partie de l'islam. On aime en lui ces caractéristiques-là qui font partie de l'islam. Mais on n'oublie jamais qu'à la base, il n'a pas l'islam, c'est une créance, comprends? Donc, il faut savoir comment faire l'équilibre dans ce sujet entre un musulman qui fait des péchés et un non-musulman qui fait des bonnes actions, qui fait les actions d'un musulman. Il faut savoir où tracer la ligne et comment savoir, comment juger dans notre attitude vis-à-vis des gens. Oui, mais on peut détester un musulman qui fait des péchés, mais on déteste à cause des actions qu'il fait qui sont mauvaises. Mais on l'aime, oui, le musulman, on l'aime pour le bien qu'il a en lui, on le déteste pour le mal qu'il a en lui. Mais pour les actions, les actions de mal qu'il a. Mais un non-musulman, on le déteste pour qu'est-ce qu'il est, c'est-à-dire pour un non-musulman, parce qu'il est non-musulman. Mais s'il fait des choses qui sont en accord avec l'islam, on aime ces actions-là, mais on n'aime pas la personne. Hein? Et on essaie de l'amener à l'islam pour qu'il, inshallah, soit guidé et qu'il puisse dire c'est mon frère en islam. Parce qu'on sait que s'il n'est pas croyant, Allah n'accepte pas tes bonnes actions. Même s'il fait des bonnes actions, ils ne sont pas acceptés parce qu'il n'a pas la foi. Il n'a pas demandé à Allah de le pardonner. Hein? Non, donc après, le cheikh il a expliqué ça et il a dit ces gens-là, ils se battent sur leur passion, et donc s'ils ont acquéri ce qu'ils aiment, ils sont satisfaits, et s'ils n'ont pas reçu, ils se mettent en colère, et ça c'est la personne qui prend pour sa divinité sa passion. Allah il dit dans le Coran, فَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Avez-vous vu celui qui prend pour un Dieu, sa passion? Il prend sa passion, qu'est-ce qu'il aime? Il le prend, il fait de cette passion-là sa divinité. Et il fait tout pour l'acquérir, même si ça déplaît à Allah. Et quand il veut acquérir cette chose, il dit, ça ne me dérange pas. Si ça plaît à Allah ou si ça déplaît à Allah, je veux le faire quand même, parce que c'est devenu comme son Dieu. Donc, en tant que musulman, il dit, moi, j'aime Allah et j'aime lui faire plaisir. Donc tout ce qui plaît à Allah, je veux le faire, et tout ce qui déplaît à Allah, je ne veux pas le faire. Mais pour ces gens-là, c'est plus la même base, c'est plus la même balance, plus le même jugement. Ils disent, je veux cette chose, et tout ce qui va m'amener à l'avoir, je l'aime, et tout ce qui va m'empêcher de l'avoir, je le déteste, même si ça plaît à Allah, ou même si ça lui déplaît, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qui compte, c'est d'avoir ou d'acquérir cette chose. Hein? Donc, il veut une femme, elle n'est pas musulmane. Je veux cette femme qui n'est pas musulmane, je vais tout faire pour l'avoir, même si ça ne plaît pas à Allah, ça ne me dérange pas. Je veux avoir cet argent, je vais tout faire pour l'avoir, même si ce n'est pas halal. Je vais voler, je vais faire riba, je vais tuer, je vais faire n'importe quoi, mais je veux l'avoir. Ça devient son Dieu. Hein? Parce que, pour lui, c'est plus les règles de l'islam qui dirigent ou qui se basent, il ne se base plus là-dessus pour juger, il se base sur sa passion. C'est ça qui devient son juge, son maître. Il devient esclave de ça. C'est ça que quand Allah dit, ah, n'avez-vous pas vu celui qui prend sa passion pour son Dieu. Et ça peut s'appliquer, bien entendu, pour ceux qui prennent des idoles pour adorer au lieu d'adorer Allah. Ils ont pris ça, c'est devenu leur passion. Et c'est devenu leur leur Dieu. Subhanallah. Hein? Comme celui qui s'entête à vouloir adorer Jésus ou Marie ou un idole, un singe ou une statue de je sais pas quoi, et il insiste à vouloir adorer cette chose. Et tu lui dis, est-ce que c'est cette chose-là qui t'a créé, qui a créé l'univers? Il dit, non, c'est pas ça qui a créé l'univers, mais je veux quand même l'adorer. Subhanallah. Hein, ça, c'est une passion. C'est parce qu'il est aveuglé. Il devient aveuglé par sa passion. Et c'est ça, qu'il a pris ça comme son Dieu. Subhanallah. Donc, après le chef, il dit que, en fait, c'est ça le vrai esclavage. Parce que l'esclavage réel, c'est l'esclavage du cœur. L'esclavage réel, c'est pas l'esclavage comme avec les chaînes, quand on prend une personne, là, puis on l'attache avec des chaînes, puis on le met dans une cage. Ça, c'est une forme d'esclavage. Mais cet esclave-là, il peut être plus libre que l'autre qui est esclave dans son cœur. Et ça, c'est un exemple que certains donnaient, par exemple. Si un esclave, quand il croit quand il est esclave dans son cœur, il peut ouvrir la cage et enlever les chaînes, il va rester dans sa cage quand même. Parce qu'il est esclave dans son cœur. Il croit qu'il doit rester là. Mais l'autre qui est esclave, juste esclave de son corps, si tu détaches la chaîne et tu ouvres la porte, il va sortir. Parce qu'il n'est pas esclave, Yanni, en fait. Il est juste esclave physiquement. Mais c'est pour ça que le chef, il dit, ça, c'est le vrai esclave. Parce que lui, il est esclave de ces choses-là dans son cœur. Il vit uniquement pour ça. Il est plus libre. Et c'est un exemple qui nous fait voir que, Yanni, celui qui ne prend pas Allah pour son maître, il devient esclave de tout. De toutes les autres choses de la dunya. Et il vit pour toutes sortes de choses. Son cœur est divisé après pour une multitude de maîtres. Et l'autre, qui a seulement Allah comme maître, c'est lui qui est libre. Tandis que celui qui est le vrai esclave, c'est celui qui s'est éloigné d'Allah et qui croit qu'il est libre. Alors qu'en réalité, il est esclave de toute autre chose dans cette dunya. Esclave de l'argent, esclave de femmes, esclave de... Oui, c'est ça, pas Allah. Hein? Non. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والصلاة قائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد j'ai pensé à un exemple devant le Adhan yani subhanallah c'est comme si imaginez que un voleur va rentrer chez vous yani qu'est-ce que vous allez penser à quoi vous allez penser quand si le voleur entre chez vous? Qu'est-ce que la première chose quand vous allez entrer chez vous après le voleur? La première chose qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez avoir peur que le voleur a pris? C'est quoi? L'argent, ok. Bon, ça c'est bien ça. Dans cette dunya là, mais toutes les choses que vous possédez, Lesquels, yani, est-ce qu'il y a des choses dans cette dunya que vous possédez, que vous êtes vraiment attaché à ces choses-là, et que vous dites, si je les ai pas, je vais être malheureux dans cette vie? Yani, tandis que la personne, yani, qui se remet toujours, yani, entre les mains d'Allah, il sait qu'à chaque instant, il peut mourir. Et qu'à chaque instant, tout ce qu'il possède, il va le perdre de toute façon. Donc, tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'Allah lui a donné, il sait que ça vient d'Allah. Et tout ce qu'il a, il sait qu'il peut le perdre du jour au lendemain, et n'importe quel instant, il peut le perdre. Hein? Donc, quand quelque chose lui arrive, soit qu'il se fait voler, soit qu'il y a un feu chez lui, il a tout perdu. Hein? Quand des choses arrivent, ces choses-là lui arrivent, mais qu'il a toujours conscience que tout appartient à Allah et qu'à n'importe quel instant, Allah peut tout lui reprendre, quand il a toujours ça en conscience, il n'est pas troublé par les événements qui peuvent se produire, yani, de ce genre de choses dans sa vie. Hein? Il met sa confiance à Allah et il reste toujours confiant de ça. Donc, ça nous montre aussi comment on est attaché à Allah et comment on est attaché à nos biens matériels. Hein? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attacher à nos biens. Il faut toujours essayer de rester un peu détaché sur le plan matériel pour dire que, on vient d'Allah et on va retourner à Allah et tout ce qu'on possède, on va le laisser. D'accord? Donc ça, c'était juste une note en passant. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Ah oui, les gens se sont suicidés ou quoi? Ça c'est grave. Mais peut-être aussi que c'est à cause des dettes, de Paris. Parce que peut-être certains ont parié leur vie là-dessus, ou ont parié des choses, ils ont dit. Ah, subhanallah. En tout cas, je sais qu'il y a un joueur qui avait fait un but dans son propre filet et arrivé là-bas, il s'est fait tuer. Aoudou Billah, ouais, en Colombie, ouais. Ouais, donc c'est juste pour vous dire à quel point ces gens-là prennent un jeu pour une chose de vie ou de mort, hein. Aoudou Billah, yani. C'est ça, c'est pas ces gens-là, yani, c'est que ça vient. On va continuer jusqu'à ce que l'imam arrive. Le cheikh ensuite il dit, وإلى أن قال وهكذا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان. الأول منها ما يحتاج العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. Donc il dit ça, cette situation-là, il dit de chercher les biens matériels. Si il le prend comme maître, il devient esclave. Mais ça se divise en deux catégories. La première, c'est que tu prends uniquement ce que tu as besoin. Comme par exemple pour manger, pour boire, comme par exemple pour avoir un enfant, avoir une femme, des enfants, avoir une maison. Et dit ça, puis tu le cherches et tu le demandes d'Allah et tu l'utilises dans ce qu'il aime. Alors cet argent-là, tu l'utilises selon tes besoins. Alors ça devient comme par exemple ton âne que tu vas monter pour aller à l'endroit où tu veux, ou comme ton tapis, tu t'assois dessus, tu l'utilises, mais tu t'attaches pas ton cœur à ça. Ça devient comme une sorte de moyen que tu utilises pour acquérir quelque chose de bien. Dans ce cas-là, tu ne deviens pas inquiet ou instable quand tu le perds. Ça, c'est ce qui est permis. L'autre catégorie, le cheikh il dit « وَالثَّانِ مِنْهَا مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَبْدِ فَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَلِّقَ قَلْبَهُ بِهِ فإذا علق قلبه صار مستعبدا له وربما صار مستعبدا معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط فإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى كلامه رحمه الله ده الشيخ الزين Et l'autre catégorie, c'est des choses que l'être humain n'a pas besoin. Et donc, ces choses-là, il ne faut pas accrocher notre cœur pour ces choses-là. Il ne faut pas qu'on soit accroché à ça. Et si on s'accroche notre cœur à ces choses-là, on devient esclave de ça. Et peut-être que on commence à dépendre de ces choses-là au lieu de dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque ça arrive, eh bien, il ne reste plus rien de la réalité de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur. Et il ne reste plus non plus la réalité de la dépendance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, ça devient, il y a là-dedans une sorte de branche de l'adoration à autre que Allah. Ça devient une sorte de catégorie d'adoration pour autre que Allah. Et aussi une forme de dépendance pour autre que Allah, c'est-à-dire de mettre sa confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, le chef il dit, et donc la personne qui a cette caractéristique-là, ou cette catégorie-là, est la seule qui mérite le plus le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que périsse l'adorateur du dinar, que périsse l'adorateur du dirham, etc. Donc il dit, donc le serviteur de ces choses-là, c'est lui qui fait l'image? Non? Ah, il n'a rien? Ok. Donc on va s'arrêter ici. Inch'Allah, on va continuer la semaine prochaine. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur al-rahim. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.